bu. Alors, La Belle et la Bête, c'est Ben sûr. oui. Alors, et pas sans brillance, il est une autre conte qui y ressemble, mais on n'est pas sans brillance. Il était un monsieur qui avait trois filles. Et puis, mais oui, vrai. Mais on n'était pas le même, t'as fait. Non, non, il n'est pas le même de Cendrillon, les noms. Alors, il avait trois filles. Puis, un beau jour, il a dit à ses filles, il m'en va à Paris, quel cadeau que vous voudrez que je vous apporte. Alors, les deux plus vieilles, on a une qui était un peu délaissée parce qu'elle qui faisait la cuisine, qui s'occupait de la maison. Puis les autres faisaient un peu les demoiselles. Elle a demandé qu'elle voulait de belles robes. Alors là, le père, puis le dit à sa fille, bien toi, qu'est-ce qu'il faudra que je t'apporte? Eh bien, papa, moi je ne suis pas difficile. Tu m'apporteras une branche de laurier. Eh oui, mais un coup rendu à Paris. Elle avait acheté les belles robes, mais elle n'a pas pensé en la branche de laurier. Alors, au retour, en se rendant, elle a pensé auprès d'un vieux château. Et puis, elle a vu un laurier. Alors, elle s'est arrêtée avec ses bidets, avec sa voiture, quoi, pour cueillir une branche de laurier qui penchait sur la route. Alors, dessous ce laurier, il y a sorti une grosse bête. Alors, la grosse bête l'a laissé couper sa branche, puis elle lui dit au monsieur, si tu m'amènes pas ta fille demain matin, tu mourras. Alors, quand elle est arrivée chez lui, elle a donné les robes à ses autres filles, puis à cette fille, elle lui dit comme ça, tiens, te voilà ta branche de laurier. Mais pour toi, si je te ramène pas où je l'ai pris, eh bien moi je serai mort demain matin. Alors sa fille a dit, bien papa, il faut pas te sacrifier pour moi, tu vas m'y mener là-bas. Alors elle a amené sa fille. Alors en arrivant, elle a rentré dans un vieux château. Et puis quand elle a rentré dans une grande salle. Puis dans cette grande salle, il y avait toujours deux couverts de mie. Alors, son père l'a laissée, forcément, toute seule dans le château. Quand elle arrivait pour manger, elle avait tout le temps deux couverts de mie. Et puis cette bête qui venait toujours avec elle. Un beau jour, il y avait longtemps qu'elle était rendue au château. Alors, elle voulait bien voir sa sœur et puis son père, parce que sa mère était morte il y avait déjà longtemps. Alors, elle voulait bien voir ses parents, son père. Et puis, sa bête lui a dit, je te l'accepte, mais si tu n'arrives pas, oui, la bête, oui, si tu n'arrives pas avant minuit, tu me trouveras morte dans la route de mon jardin. Alors, on l'a partie chez elle, puis le temps là-bas lui durait pas, mais l'heure était passée. Alors, quand elle a arrivé, elle avait passé l'heure, sa bête était tombée morte dans la route du jardin. Alors, bien ennuyée, que faire? Alors, elle a frappé dessus la bête. Puis là, il est sorti un beau monsieur. Alors, cette bête, c'était un monsieur qui était Transformé. transformé en bête. Alors, après, elle s'est mariée avec le monsieur. Puis, elle était bien plus heureuse que ses sœurs, parce que ses sœurs, elles, n'étaient pas riches, tandis qu'elle, bien ou mal, avait toute une fortune, puis était très heureuse. Mais autrement, tu au truc là, vous avez appris d'autres fouets, quoi. Ah, maman. Mais elle vous avait appris sur un livre ou elle vous avait appris comme ça? Elle, d'autres fois, on se racontait des affaires comme ça. Mais est-ce qu'elle savait lire, votre mère? Ah oui. Mais elle n'avait pas appris ça sur un livre, là. Elle n'avait pas appris sur un livre? Oh non, non, non, non. Vous n'avez jamais vu qu'on était sur un livre, tu au Non, quatre, là? non, non, non, Vous n'avez non. jamais lu, tu au Non, quatre, mais on l'a paru, on existe bien. Mais qui l'y avait appris, moi, je ne sais pas. Parce qu'il veut dire, on allait veiller. Alors, ça a appris que moi, j'ai appris d'elle. Elle avait-elle appris C'est de ses ça, oui. parents? Ça, de bouche, quoi. Oui, bouche à bouche, quoi.